Lundi, mercredi et samedi, de 22h à minuit, Will de prend l'antenne et vous emmène en tournée. Les plus grands artistes, les plus grands concerts, des morceaux rares, des versions oubliées sélectionnées uniquement pour vous. Le meilleur du rock, version live, c'est sur eternelwebradio.com. Et ça commence dans 3, 2, 1... Eternal Web Radio. Salut, c'est Wild. Bienvenue à l'écoute d'Eternal Live. Au sommaire de cette nouvelle édition, le meilleur des performances live d'hier et d'aujourd'hui, accompagné de Rock News, les rééditions de CD, DVD, vinyle, dates de concerts et festivals dans votre région, la possibilité aussi d'écouter les artistes programmés si vous n'avez pas la possibilité de vous y rendre. Eternal Web Radio met aussi en avant l'indie rock et la scène émergente avec Orpheum Black et son rock mélodique et puissant avec un interview à l'appui. Mais bien évidemment, priorité à la ZIC. Ça débute avec Linkin Park lors du festival Rock AM Ring, Breaking the Habit. Yeah. Aerosmith. Le groupe légendaire est à l'Accord Arena le 13-06. Mais nous, dans Eternal Live, on l'écoute à Cap Canaveral. I don't want to miss a thing. Festival de Nîmes ouvre ses portes dans le magnifique cadre de Césarène du 17 juin au 24 juillet avec une belle programmation. Jugée plus tôt, entre autres, à suivre Deep Purple, Sting, Gorillaz et le gang de Boston, Dropkick Murphys. In Eternal Web Radio, la radio indie rock. Indie rock. We'll be right back. Merci à Orpheum Black d'accorder cette interview à Eternal Web Radio. Première question. À l'origine, pourquoi Orpheum Black? Parce que ça sonnait bien. Ça, c'est trop facile. Orpheum, parce qu'en fait, l'idée de base du projet, c'était de mixer la musique avec les arts, donc le théâtre, le cinéma. Et les Orpheum, c'est un théâtre, ça veut dire, c'est certains théâtres aux États-Unis où justement en fait se rejoignaient des personnes venant du cirque, du théâtre, des musiciens, et on trouvait que justement ça nous correspondait bien. Et puis Black, c'est pour le côté rock parce que c'est gratuit. Bonsoir, on est Orpheum Black. La prochaine s'appelle Acrasia. À l'appui de leur influence, histoire d'agrémenter quelque peu et de découvrir des nouveaux riffs, bien évidemment. même si ancien. Alors Romain, guitariste pour Orphan Black. Moi, mon influence au départ, c'était Angus Young, AC/DC. C'est ce qui m'a donné envie de faire de la guitare. Et en grandissant, j'ai un peu bifurqué sur des trucs plus progressifs, comme OPS, Porcupine Tree, Pink Floyd, voilà. There was a friend of mine on murder, and the judge's gavel fell. Jury found him guilty, gave him 16 years in hell. He said, I ain't spending my life here, I ain't living alone. Ain't breaking no rocks on the chain gang, I'm breaking out and heading home. I'm gonna make a chain break, and I'm looking towards the sky. I'm gonna make a chain break. Exemple de leur influence, Anathema au Download Fest. Greg, chanteur-guitariste. Alors moi, quand j'étais jeune et chevelu, c'était plutôt tout ce qui était heavy trash. J'avais pour idole James Hetfield de Metallica. Et puis en vieillissant, en écoutant, en essayant de m'ouvrir, on évolue, voilà. pareil, des choses plus ambiantes, où le vecteur d'émotion n'était plus forcément la puissance, mais vraiment l'émotion, en fait. On pouvait aussi transmettre des émotions tout aussi fortes, autrement que par la puissance et le fait d'envoyer du steak. Donc, je suis tombé absolument amoureux du groupe Anathema, Anathema qui, du coup, n'officie plus maintenant. Et effectivement, des choses un peu plus prog aussi, telles que les Pros, par exemple. Yeah. malgré les années 2020 et 2021 assez compliquées pour tout le monde. Covid oblige, en particulier pour la culture et les intermittents du spectacle, vous avez profité du confinement pour terminer la composition d'un premier album intitulé Sequel. 9 histoires liées et retraçant l'épopée d'un personnage en quête de sens. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la création et la réalisation de cet album ? Alors en fait, c'est des morceaux qu'on avait déjà commencé à écrire, mais on n'avait pas tout quoi. Et effectivement, est tombé les confinements à répétition. Mais qu'à cela ne tienne, en fait, on a tous en fait de quoi nous enregistrer un peu chez nous, et on a gardé le lien très fort pendant cette, je dirais, année. Gardé le lien, on a travaillé sur de la composition, on s'envoyait les bandes, on se faisait des visios. Qu'est-ce que t'en penses ? Viens, on en parle. Et c'était difficile de travailler à distance avec les problèmes de réseau, quoi. Mais en tout cas, on enregistrait chez nous, on se faisait des échanges réguliers, on était vraiment en contact, on se parlait quasiment tous les jours. On a enregistré des choses de notre côté, quoi. Et dès qu'on a pu mettre le nez dehors, on s'est retrouvé. On a tout déballé, tout mis en place, et on s'est dit ok, faut qu'on l'enregistre, quoi. Et sequels, parce que du coup c'est un peu transparent, ça parle effectivement de la suite d'une histoire. Donc notre premier EP s'appelait Acte 1, rapport au théâtre, donc la séquelle c'est la suite de cet Acte 1, et il est transparent aussi en français et en anglais aussi. Sequel, c'est les séquelles, c'est les cicatrices qui peuvent être laissées, voilà. Yeah. au niveau réalisation de clip, comment fonctionne Orpheum Black? Il bosse avec d'autres personnes? Tout à fait. En fait, pour ce premier album, on a choisi une esthétique qui était très orientée cinématographie. Et on aime beaucoup le fait de travailler avec d'autres personnes talentueuses et les laisser en fait un peu... Alors, on guide les choses, on a un storyboard, on a une idée qui nous vient en tête et on la propose au réalisateur. Et si ça marche, en fait, on lui dit, écoute, t'as carte blanche sur la réalisation, en fait. Tu lui donnes le fil conducteur et exactement. C'est à lui... Et en fait, impose ton style, impose ta patte, parce que nous, ça nous stimule, en fait. Ouais, et, c'est pas mal. On a sorti 4 clips, et ces 4 clips qui ont vraiment rien à voir en termes de patte, en termes de direction artistique. Donc, pour ce premier album, on a vraiment pris le parti de travailler avec des réalisateurs différents. Je pense qu'on gardera cette touch-là sur un prochain album, même si j'ai l'impression que le prochain album se dirige un peu aussi vers la poésie. Et je ne sais pas comment on va pouvoir la mettre à l'œuvre, mais on est toujours dans cette démarche de mélanger les différents arts à la musique. Thank you. on va terminer l'interview avec votre actualité, les jours et les mois à venir. Et j'ai pu constater une date importante, le 23 juin, rendez-vous à l'Hellfest Open Air. Alors oui, on a de la chance, on a une belle tournée, on a 31 dates là pour la promotion de notre premier album. Et on va faire une petite escale effectivement le 23 juin là, pour le Hellfest. Donc on est super contents. C'est une belle opportunité pour le groupe de se faire connaître un peu plus et de jouer devant du monde. Donc voilà, ça le projet actuel, c'est de finir la tournée, de développer le nom, développer la musique, se faire voir par des prods, des producteurs, des bookers, rencontrer du monde, du public, des pros. Et après cet été, on enregistre un nouvel album. Donc en même temps qu'on tourne le week-end, quand on rentre chez nous pendant les 3 jours de la semaine, on compose. Il y a déjà des morceaux, oui. Alors en fait, pour tout te dire, l'album est fini. On a les morceaux, on finit le dernier texte là. Et en fait, on a une petite pause d'un mois. On enregistre pendant le mois, on le mixe et on repart en tournée pour un mois. Et après, on tourne des clips, on lance la machine. Voilà. Donc on ne s'arrête pas. Hey! voiture, au bureau, en faisant du sport, écoutez le son indie rock d'Eternal. Partout dans le monde, sur smartphone, enceinte connectée, Deezer et sur eternalwebradio.com. Can you hear me say your name forever? Can you see me longing for you forever? And would you let me touch your soul forever? Can you see me longing for you forever, forever? I know the light grows darker down below. Précédemment, on a écouté Time de Pink Floyd et à l'instant Ghost avec un titre fait pour l'émission Life Eternal. On rappelle que Ghost, justement, comme Orpheum Black, fait partie de la programmation des 350 artistes pour Hellfest Open Air qui se déroulera en deux temps du 17 au 19 juin et du 23 au 26 juin 2022 à Clisson en Loire-Atlantique. Avec notamment des têtes d'affiche comme Metallica et Guns N' Roses. Thank you. much more from the heart. Forever trust in who we are. Sing. Never opened myself this way. Life is ours, we live it our way. All these words I don't just say. Yeah, trust I seek and I find in you. Every day for us something new. Open mind for a different view. No, nothing else matters. Rock sur EternalWebRadio.com. Thank you. Foreigner sera le 24 juin à l'Olympia. Yeah! 30 juin au 7 juillet, le festival Man Square à la Citadelle d'Arras avec, entre beaucoup d'autres, Pixies et Feu Chatterton. Compagnon des mauvais jours, je vous souhaite une bonne nuit. Et je m'en vais, la recette a été mauvaise. C'est encore une fois de ma faute, tous les torts sont de mon côté. Alors je m'en vais, j'aurais dû vous écouter. J'aurais dû jouer du caniche, c'est une musique qui plaît. Mais je n'en ai fait qu'à ma tête. Et puis je me suis énervé. Compagnon des mauvais jours, pensez à moi quelquefois. Plus tard, quand vous serez réveillé, pensez à celui qui joue du phoque et du saumon fumé. Compagnon des mauvais jours, je vous souhaite une bonne nuit. Dormez, rêvez. Bonsoir, nous sommes le Feu Chatterton, cadavre exquis pour vous servir. Exquisite cadaver. Et un grand merci. Thanks to you two pour l'invitation. It's a huge honor. And now we'll play for you a song called Écran Total. That means full screen. Et je crois que you know what it means, no? Derrière leur écran total, les gens se régalent. La ville est à cran, d'arrêt visage pâle, c'est le carnaval. Mais où sont les enfants et les clairières d'opale dorénavant? Ah, que le cœur me fend, je me souviens mal du monde d'avant. Très mal, très très mal. J'étais où et quand pour le grand final? Le feu de Bengale. Derrière mon écran sans doute, mon écran total, à perdre les pédales. Je n'avais pas mes lunettes spéciales. J'étais où et quand, derrière ton écran, où je disais mal. Mon amour pour toi, mon amour pour toi, pour toi. Sur quel pied de danseur? Mon amour pour toi, mon amour pour toi, pour toi. Sur quel pied, sur quel pied? Mon amour pour toi, mon amour pour toi, pour toi. Sur quel pied danser? Mon amour pour toi, mon amour pour toi, pour toi. Sur quel pied, sur quel pied danser? Le grand président, sanglot de reptile, s'adresse aux sans-dents. Vient à l'abri dans son palais d'argile avec tous ses descendants. Normal, mais il pleut sur la ville et on le sait, l'argile mollit. Eh oui, alors tous les civils, vous, sanglot de reptile aux Gémanies. C'est génial! On le linge sur la place publique. On piétine le pacte civique. Ah, tu fais moins le malin, sanglant reptile. Maintenant que t'es plus derrière ton écran, t'as vraiment pas l'air si grand. Essaye pas de t'enfuir avec des talonnettes à 4000 boules. Tu sers plus à rien maintenant. Ah, tu fais moins le braïeul. Nous aussi, on peut en faire des oreilles sur ton dos. On jette des pièces comme sur les crocos des braïeuls. Tu sais pourquoi? Parce qu'on n'avait pas mis des putains de lunettes spéciales. On les mettra jamais, des putains de lunettes spéciales. Pour toi. Mon amour pour toi. Pour toi. Sur quel pied danser? Mon amour pour toi. Mon amour pour toi. Pour toi. Sur quel pied, sur quel pied? Nous marchons tous les deux sur les braises de la nation française. Souffle, souffle, souffle. Étendons cette couverture d'or sur le drapeau tricolore. Et la foi, nous avons tant marché dans les clous au passage, comme tous les enfants sages et les fakirs. Oui, oui, que nos pieds sont pleins de plaies, de trous, dégueulasses. Faut qu'on s'adresse à qui pour guérir? Il y a des limites. Dispersons-nous, courons partout, courons partout. Dispersons-nous, que personne ne s'inquiète, personne, que personne ne s'inquiète. On se retrouvera sur le net. Éternelle Web Radio, la radio indie rock. Indie rock. count your way. You can count your way, stay all day if you want to. De chercher des radios commerciales. Écoutez plutôt Eternal Web Radio sans pub. Et téléchargez gratuitement l'application sur votre smartphone Android. to all my friends at home. Goodbye to people I've trusted. I've got to go out and make my way. I might get rich, you know, I might get busted. But my heart keeps calling me backwards as I get on the 707. Riding high, I got tears in my eyes. You know you got to go through hell before you get to heaven. Big old jet and line up. Don't carry me too far away. Oh, big old jet and line up. 'Cause it's here and I got to stay. Touching down in New see you. Miller Band, Jet Airliner et David Bowie, Blue Jean en version remasterisée. Une dernière rock news avant de se quitter, justement à propos de Bowie, pour célébrer les 50 ans de Ziggy Stardust. L'album paraîtra en édition LP remasterisée le 17 juin. Sur ce, on se dit à ciao ciao et portez-vous bien. On se quitte avec Motorhead en cover Heroes, justement.